pour eux, c'est un peu résumé, mais un petit espace public, c'est un petit problème. Voilà, voilà, c'est l'intempestive. Marseille, Porte d'Aix, samedi 21 novembre 2009. L'association Osservatorio Nomade a donné rendez-vous aux marcheurs, arpenteurs et autres croqueurs de bitume pour découvrir la ville à travers une marche. Sur les mobiliers urbains des préventions situationnelles. Les artistes qui vont la conduire, c'est Cédric Bernadotte qui est là et Tristan Favre. Donc je vous laisse guider par eux. Moi, je vous laisse passer une petite feuille, si vous voulez la faire passer comme ça. Flyer distribué par Tristan Favre au début de la marche. Contre-attaque, l'espace public en question. Dans le cas des sans-abri, les pointes et autres accoudoirs empêchant la position couchée sont placés devant les magasins, dans les parcs et sur les places. Dans le cas des Roms, des plots, fossés et autres barrières sont méticuleusement placés autour des terrains vides en attente de projets, en périphérie de la ville. Il est important de montrer leur diversité, cachés sous une apparente discrétion high-tech, pseudo-décorative ou faussement technique. C'est leur nombre qui fait sens, et la diversité des commanditaires de ces dispositifs prouve qu'il ne s'agit pas d'une politique unique, mais d'une diversité de maîtres d'ouvrage, commerce privé, syndic d'immeubles, collectivités. Tous, sans s'être concertés, ont recours d'une manière ou d'une autre à cette politique par défaut. On se rend compte que ce design guerrier vise des populations différentes avec un fonctionnement et des problèmes complètement différents, mais auxquels s'applique un même type de politique par défaut, éloigné par la force. S'ils stigmatisent les populations à la rue, ils sont subis par tous et déforment notre usage de l'espace public. Ils dissuadent la rencontre fortuite et transforment l'espace public en lieu de passage. Sur la ville, c'est aussi l'ambition qu'on a, c'est aussi de réellement créer un groupe. C'est-à-dire, en fait, pendant la marche, c'est vrai que déjà, on a vu qu'il y a aussi des rencontres qui s'opèrent, qui se font. Marcher ensemble, c'est aussi se parler. Et c'est pas forcément regarder la ville, mais c'est aussi, petit à petit, créer des liens et des relations qui peuvent aussi faire émerger d'autres propositions. Voilà. Boulevard Charles Nedelec. Le préfabriqué de la société Constructa est placé contre un mur. Sur un des côtés, une image virtuelle du futur quartier en train de se construire, avec quelques bribes de mots en forme de slogan. Le village, villa sur le toit, un concierge, projet de crèche. Donc ils vendent que c'est le premier village de Marseille. Et voilà ce qu'ils en font, c'est pas mal. On va les demander dedans ? Oui, on peut aller voir un peu leur maquette, tout ça. Je vous en prie. Oh, j'ai beaucoup de monde. Bonjour. Si tout le monde achète, c'est parfait. Vous êtes 40, et bien c'est parfait. Bon, je te rappelle tout à l'heure. Vous C'est un projet d'appartement qui va se situer là où vous avez les grues. Regardez comme c'est beau. Bonjour. Ah ouais. Et vous, vous c'est êtes qui? C'est quand vous avez commencé les chantiers. Vous êtes qui, vous? Ah non, non. On a une association, Observatoire Nomade. On fait des marches dans la ville, comprendre un peu comme la ville se transforme. Donc beaucoup des projets de réaménagement de l'espace, ça nous intéresse. On veut le voir. D'accord. Voilà. Et donc, vos bâtiments, ils s'implantent sur le premier village de Marseille? Tout à fait. C'est ça? Oui, absolument. C'était cette zone-là? Voilà, ça, c'est la transformation qu'il va y avoir, si vous voulez. Là, on est sur la porte d'Aix. Mm-hmm. Vous avez le boulevard Charnay-Delecq qui est là. Ouais. La gare est là. Et l'autoroute va être poussée environ de 600 à 700 mètres. Et donc là, dans cette zone, avant, il y avait quoi? Il y avait des maisons? Il y avait d'autres bâtiments, effectivement. C'était quoi? Je ne sais pas exactement, honnêtement. D'accord. Ça va durer combien de temps, les chantiers? La construction par elle-même? Les livraisons vont intervenir au deuxième semestre 2011. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne journée. Excellente merci. Fin de journée à vous au aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Gare Saint-Charles. Les sièges en bois et en métal, installés deux par deux, sont séparés par un accoudoir triangulaire. À l'intérieur même de la gare, il y a des arbres encastrés dans du goudron parsemé de petits cailloux. Leurs branches sont coupées jusqu'à 3 mètres de hauteur et leurs troncs lisses ont tous le même diamètre. Ils sont placés symétriquement de part et d'autre de l'allée centrale et alignés avec les panneaux signalisation et les lampadaires. Modèle de banc là, pas très sympathique. Donc, c'est impossible de s'allonger, ça c'est facile à deviner. Quoi. Et puis c'est pas très convivial. Si on regarde les gens qui sont assis là, ils sont vraiment tout seuls. Quoi. Je sais pas si vous pouvez dire, mais c'est très sport. C'est sport, ouais, c'est assez sport. Je ne sais pas si vous considérez les portes aussi comme du mobilier urbain, parce que maintenant les portes coulissantes, ouais, elles s'ouvrent beaucoup moins qu'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la place pour une personne de sortir, je ne sais pas si aussi... Le temps est plus rapide. Mmh. C'est très intéressant. Une autre chose qui est intéressante, c'est ces arbres-là. Ouais. Ils sont des brèves. En fait, on leur a injecté de la plastiline pour pérenniser un peu le côté convivial. Donc ils sont... Il y a un artiste allemand là, qui avait plastifié des corps comme ça. Comment il s'appelle? Quelqu'un sait? Hein? Von Hagen. Von Hagen. Et donc le principe, c'est d'utiliser le circuit de la sève en balançant du plastique et ça fige tout. Quoi. Il y a un regarde, si tu regardes bien, tu vois, il y a les coutures, entendu, oui. Et oui. On voit bien. En fait, cet arbre, il a complètement été reconstitué et à la base, l'idée, c'était que ils voulaient mettre l'atelier voulait mettre des chênes et la SNCF voulait des pins, donc ils ont fait des pins chênes. Et c'est des aiguilles de pins sur un tronc de chêne. Et chaque, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais ça se voit, enfin, qu'on a chaque ramure est vissée sur le tronc. Ils sont arrivés, les troncs étaient nus, hein. Oui, moi je les ai vus. Puisque comme je passe, je passais pas là à l'époque, je faisais le tour, mais ils ont d'abord monté les troncs nus et ensuite ils ont monté les aiguilles ici. Donc voilà, oui, c'est sûr. Le train express régional 17714. C'est pas totalement pollué, c'est encore respirable. En fait, donc ça, sachant que les arbres qui étaient à l'extérieur ont été coupés. En 97, il y avait encore des arbres, des arbustes qui servaient de crottoir et d'abri pour les sans domicile fixe, quoi. Et leur technique, ça a été de tout raser pour plus l'appel à la société de surveillance devant pour virer donc les SDF, empêcher la mendicité à l'intérieur. Et du coup, les arbres, ils sont transférés à l'intérieur sous forme d'alignement, alors qu'ils ont été supprimés de l'extérieur. is a message from the Ministry of Health about the new H1N1 flu epidemic. Wash your hands regularly and, if you present flu symptoms, cover your mouth when coughing and sneezing and avoid close contact with others. For more information, call 0033825303202, which costs 15 cents a minute from a landline in France. Tunnel de la Belle de Mai, boulevard national. Donc on est un peu en train de discuter de ce tunnel, qui est assez intéressant parce que c'est vraiment la frontière entre l'hypercentre et les quartiers populaires. Donc on ne sait pas si c'est une volonté de la ville de le laisser dans cet état-là pour garder ce tampon, quoi. Ou si ça intéresse personne simplement, mais en tout cas c'est... À minuit, là, le traverser, c'est quelque chose, quoi. Et donc ça permet vraiment de filtrer, en fait, les gens qui vont aller dans ce quartier-là et vice-versa, quoi. C'est une vraie frontière, quoi. Il a quand même réussi à s'asseoir sur un truc qui est prévu pour pas qu'on s'assoie. Au croisement du boulevard Camille Flammarion et de la rue Ranque, un immeuble forme un angle arrondi. Sous la terrasse du premier, des plates-bandes occupent l'espace. Un fouillis d'arbustes minuscules aux feuilles grises de poussière est planté dans la terre sèche, parmi des tuyaux. La fenêtre du rez-de-chaussée est protégée par des grilles semblables à la rambarde qui entoure les plates-bandes. Donc ça, je sais pas ce que c'est peut-être une protection bélier, là, comme ils font pour les banques, tu sais, pour pas que t'abîmes le jardin avec ta voiture, ou je sais pas. Pourquoi ils ont mis cette rambarde pour protéger leur jardin. Donc là, ce genre d'espace, c'est assez intéressant. On se demande vraiment pourquoi ils les construisent, parce qu'à la limite, ils n'auraient rien fait du tout. Ça laisserait un espace de trottoir, ça serait plutôt agréable. Mais là, ils occupent un espace, mais sans l'occuper, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison. Je sais pas, les fleurs sont dégueulasses, il n'y a vraiment pas de travail sur le jardin. Et quand même, ils le protègent, leur espace. Mais le problème, c'est que là, c'est un espace privé. Alors que si on se met du point de vue de la personne qui possède ce bâtiment, ouais. Il est responsable de ce qui se passe un minimum ici. Il doit en plus payer l'argent qui fait qu'il l'entretient. Ouais. Donc lui, il a un vrai intérêt qui est juste pratique, qui pour lui n'a rien du tout avec rien à voir avec une volonté politique, de juste isoler cet espace parce que c'est lui qui paye pour l'entretenir. Et c'est pas la mairie. Donc moi, je comprends très bien la personne qui a construit ça. Ouais. Enfin, si j'avais le bâtiment. Après, le résultat, c'est que c'est un non-lieu, quoi. Ça veut dire que il s'y passe rien, c'est moche. Et... Justement, ça pose la question plutôt de la responsabilité de quelqu'un, une SCI ou qui que ce soit, qui est effectivement propriétaire. Moi, je souscris à cette idée de responsabilité de l'espace dont on est propriétaire dans un lieu public. Mais ça pose la responsabilité et le niveau d'engagement d'une organisation type SCI ou quoi, qui est effectivement propriétaire de cet espace, dont elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas en faire un logement, mais qu'elle pourrait très bien investir et mettre à disposition des usagers dans une démarche strictement gratuite, quoi, je veux dire. Et là, par contre, il n'y a rien, quoi, effectivement. Ah, ce qui supposerait que le privé et les gens qui gèrent l'espace public sur Marseille, c'est-à-dire la mairie, soient en mesure de parler. Ouais. De convenir par exemple des modalités de l'entretien de ce jardin. C'est-à-dire, c'est à moi, mais je vous le laisse à la mairie moyennant telle et telle modalité. Ouais. Et sur Marseille, il y a sûrement des gens qui connaissent mieux la gestion des espaces publics, mais on a toujours des problèmes de gestion des espaces verts. Et du coup, la mairie n'est pas du tout demandeuse, j'imagine, de ce genre de partenariat. Parce que pour eux, c'est un peu résumé, mais un petit espace public, c'est un petit problème. C'est des petits frais en plus. Enfin, j'ai l'impression que une partie de la vision des gens de la mairie de Marseille, c'est quand même ça. C'est, ils voient les problèmes que ça va représenter en entretien. Parce que là, on y est, on est en face là. Ouais. Chanterelle, c'était une mecs au départ. Hein. J'y travaillais moi. Une maison d'enfants à un caractère social. Ouais, ouais. J'ai besoin de travailler là aussi. Oui, faire un petit tour d'ailleurs. Continue. Rue Grobet. devant l'entrée d'un immeuble, des galets polis aux couleurs pastel sont pris dans un cube de ciment. De l'autre côté de l'allée, dans des blocs rectangulaires similaires, quelques arbres nains sont plantés dans le ciment parmi les galets. Alors c'est quoi la fonction de ce... Là, il n'y a plus de problème d'arrosage, quoi. Il y a le même qu'on vient. Ouais, il y en a un beau, ouais, un champ. Tout nouveau. Ouais. Alors c'est anti, enfin au cours Julien ils ont dit que c'était anti-délinque, anti-alcool, anti tout ce qu'on veut quoi, ici je sais pas. C'est pareil, c'est le même principe. Puis ils ont planté des variétés aussi de plantes qui... C'est pas mal, c'est la doublette, parce qu'ils ont quand même planté des... Là on parlait d'espace privé, mais je suis pas sûr que le trottoir soit à eux. Et donc ils ont doublé, ils ont planté d'abord des arbustes qui t'empêchent de t'asseoir, et après ils ont quand même mis des pierres pour être sûr que vous arrivez à vous poser quand même. De l'autre côté de la rue, sous le premier étage d'un immeuble, un gros bloc de béton fait l'angle. De larges galets gris sont encastrés dedans, parmi des cubes de différentes tailles, où sont fichées des plantes basses et une sorte de bananier aux feuilles cassées. C'est bien, ceux-là. À la limite, ils sont plus jolis, ceux-là. Ah bah, c'est une vraie composition, oui. Voilà, ceux-là, c'est une petite zénitude, quand même. Bon, bref. Bon, on va se mettre au boulot, quoi. On prend le sac sur les gardes là. Je reviens, parce que... Ouais, ouais. Moi, je prends une partie de l'équipe, là, ceux qui veulent me suivre. On revient ici dans 10 minutes. Et donc il y a une autre partie qui peut rester pour bosser avec Cédric. Ouais. Donc je vais vous expliquer un peu. Donc je vais juste prendre Francesca qui doit avoir des petits modes d'emploi normalement. Hop. Flyer distribué par Cédric Bernadotte. Réappropriation de l'espace public, mode d'emploi. Acheter des rouleaux de film étirables pour palettes. Utilisez la disposition du mobilier pour réaliser votre espace. Faites le tour avec le cellophane du mobilier, 6 tours, pour avoir une bonne accroche. Moi, j'interviens dans l'espace public. Délimitez votre espace. Croisez le cellophane pour renforcer l'assise. Testez la résistance et n'hésitez pas à retendre toute la structure. Après, vous pouvez laisser la structure en tirant le cellophane jusqu'à ce qu'il s'arrache. Coupez, c'est prêt. Où, en fait, j'utilise le mobilier urbain qui existe déjà, donc des structures de mobilier dans la ville, pour recréer un autre mobilier à partir de celui-là. Donc là, par exemple, là, il y a un exemple de... C'est un genre de hamac à partir d'un banc. À partir de ça, donc il y a des tensions, je mets ça, ces éléments-là en tension. Et du coup, après, ça peut devenir soit une corde pour jouer dessus, pour s'amuser. Voilà. Après, le mobilier urbain, les gens se rapproprient ce mobilier-là et lui donnent une nouvelle fonction, donc soit un hamac, soit un petit truc de gymnastique, soit un repose d'eau, enfin voilà. Donc là, je vais juste montrer quelques techniques, un peu comment utiliser ce cellophane. Moi, l'intérêt, c'est que je donne les mots d'emploi aux gens pour qu'ils le fassent chez eux, près de chez eux, devant chez eux, donc pour prolonger leur espace privé dans la ville. Donc là, on va faire deux petits groupes. Donc un groupe avec Tristan qui va continuer un petit peu la marche, on va faire un petit tour ici. De toute façon, on va faire quelques interventions, on va en faire une ici, on va en faire deux autres après dans le centre-ville. Donc là, c'est juste pour montrer un peu les techniques. Donc là, on va aller visiter un endroit, c'est un parking, où il y a aussi une grande surface de friche à côté. Où, comme nous expliquait avant un des marcheurs, il y avait un foyer d'accueil pour des jeunes en difficulté. Ça a été rasé et puis comme ça vaut énormément d'argent, là, il y a une ça reste en friche depuis un moment et personne n'a pour l'instant investi pour construire quelque chose là-dessus. Et ça a été rasé pour quelle raison ? Pour le rendre viable, c'est-à-dire, il fallait dégager ce foyer pour que ça puisse être vendable. Pour faire un immeuble. Et ce qui est très pratique, c'est que ce temps entre le moment où ça a été détruit et le moment où c'est construit, ça fait une friche qui est magnifique et qui est vraiment agréable. Un petit espace de campagne au milieu des bagnoles. Rue du Commandant Mage. Au milieu d'une forte côte, un parking est installé sur un sol de caillasse. Il est délimité par de gros rochers qu'on franchit facilement pour aller sur la friche. Ah ouais, ils ont ouvert, carrément. Putain. C'est un tour, là. Ça c'était fermé avant ici ? Ah ouais, c'était un mur. Ah ouais, d'accord. C'était une enceinte. En attendant, ils en ont fait un parking pour... Voilà, ça s'appelait Chantoré. Et c'était une maison d'enfants à caractère social. Donc c'était un foyer, c'était... C'était un foyer pour... un foyer d'enfance. Ah ouais, il n'y a plus de bâtiment, putain. Au secours. Ah ouais, il y avait... Le bâtiment était où, là ? Il y en avait plein de bâtiments, je vais te faire voir. Et il reste une toute petite partie qu'on va aller... on va s'en rapprocher. On se retrouve sur un plateau, 10 mètres au-dessus du niveau de la rue, et qui arrive au troisième étage des immeubles environnants. Un peu partout, des vestiges d'escaliers et des ruines de murs décorées de grands graffitis aux couleurs vives. Au milieu des gravats et de l'herbe d'un vert dense, il y a ici et là quelques mètres de carrelage d'un réfectoire ou les dalles ocres d'un couloir. Après, il y avait aussi un problème de conditions de sécurité parce que les bâtiments étaient vieux. J'imagine que ça les a arrangés de vendre. Ben voilà, là il y a une assise d'un bâtiment, c'est sûr. En fait, il y avait deux gros bâtiments. Putain, c'est impressionnant. Putain. Les petits murs par voilà, il y avait un grand bâtiment là-bas, tout le long, là. Avec plusieurs groupes d'hébergement. Et puis, il y en avait ici, derrière, aussi, dans le coin, là. Il y en avait de partout, des bâtiments, en fait. C'était détruit il y a longtemps, ça ? Bah écoute, je sais pas, moi je t'avoue que je suis arrivé, je suis revenu à Marseille en 2007, donc... Ouais. Là, on logeait 90 ou une centaine d'enfants, il y avait ici. En tout. Sur divers groupes, dans divers bâtiments, disséminés dans le parc, en fait. Ouais, mais là, c'est méconnaissable, quoi. Ça donnait que sur l'intérieur ou bien ça c'était ouvert ah non, sur, t'avais, Flammarion là, t'avais l'ouverture sur Camille Flammarion ouais. Avec la petite maison qui reste là, qui est à l'entrée là, ouais. Qui était la maison du gardien en fait. Donc là le portail était ouvert dès 8h du matin, les gamins ils partaient à l'école, les plus petits on les amenait en bagnole, comme dans n'importe quelle maison d'enfants à caractère social en fait. Et dans ce grand bâtiment qui était par là, là, adossé à ces murs je pense, c'est vachement difficile de reconnaître maintenant. Il y avait, c'était un ancien bâtiment, quoi. Alors, comme on peut voir, les anciens bâtiments publics, là, un peu cossus, quoi. Et on avait fait des apparts de 7, 8, 10, 10 personnes, enfin 10 situations avec des groupes, soit des groupes de filles, soit des groupes de garçons, parce qu'à l'époque, c'était séparé, ouais. Et par tranche d'âge aussi. Et ils avaient un jardin aussi, non ? Ah bah, ils avaient tout le parc, hein, carrément, quoi. Ils avaient... Voilà, il y avait un tout petit truc qui s'appelait le chalet, moi j'ai commencé à bosser là, ça s'appelait le chalet, c'était des tout petits. Donc là il y avait un groupe vertical de 3 à 8 ans à peu près, 3 à 8 ans, voilà, un tout petit truc, une petite maison dans la forêt quoi, c'était leur maison. Et puis là dans le grand bâtiment il y avait les ados plus grands, et de l'autre côté aussi, là, du côté où il y a une entrée derrière, quasiment en face de là où on s'est réunis tout à l'heure là. Sur ouais. Le fameux espace public là. Non, là où il y avait le monsieur avec le chien là. Ouais, c'est là, c'est d'accord. Bon, c'est... Voilà. Ben là, il y avait également un groupe de bâtiments plus petit avec des ados garçons. On va s'en rapprocher. Ouais. Voir le dernier morceau. Tout un truc là sur le petit oratoire là-bas que vous en avez avec ce superbe petit graphe justement ouais, c'est là. Joli, hein. Oui, bien, c'est pas mal. Hein. Bien implanté là. Je crois que c'était ADP, je crois que c'est Association des Dames de la Providence, le nom de l'association. Association des Dames de la Providence. Je crois que c'est ça, ouais. Non, mais là, il faut être réaliste, hein, toutes les structures associatives, elles avaient des donateurs chrétiens, enfin religieux en tous les cas, c'est clair, au départ. Et donc là, il est un peu en attente, ce terrain. Mais là, c'est méconnaissable, franchement. On va juste passer en dessous, là, il y a une sorte de petit jardin... Là, on est carrément dans un bâtiment, en fait. Ouais. Voilà. Là, on est dans un bâtiment, quoi. Faut pas marcher à trop nombreux. Ouais. On emprunte un escalier à demi effondré pour arriver, juste en dessous, à un sous-bois où se trouvent de petits enclos, entourés de grillages en plastique vert ou de grilles rouillées. Thank you. peut-être qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été fait comme ça, de son côté-là. Puis il faut savoir que le gardien, lui, il avait ça faisait 20 ans qu'il travaillait là, il avait ses habitudes, peut-être qu'il avait... son petit jardin. Voilà. Ah ouais, non, mais moi, je suis carrément perdu géographiquement, là. C'est impressionnant, quoi. On l'a occupé l'année dernière pendant un été pour en faire un jardin potager, jardin, salon un peu d'extérieur. Et donc on avait monté un petit collectif comme ça et on se relayait pour venir arroser, pour planter et on venait prendre l'apéro quasiment tous les soirs là pendant un été. Donc on avait planté pas mal de choses. Et c'est un espace qui est très agréable, qui est assez silencieux. Et puis personne ne passe trop par là, quoi. Ils vont en faire quoi maintenant, ça? C'est en attente, j'imagine que c'est un lot. Hein. Il faudra qu'il soit vendu. Ça appartenait à la ville ou... Non, ça appartenait à une asso. Et il faut savoir que le premier scandale immobilier, il s'est produit sur ce lieu. Enfin, le premier, je ne sais pas, mais en tous les cas, un des premiers historiquement, il s'est produit en... Moi, j'y travaillais en 91-92. Et un beau jour, un lundi matin, on s'est vu arriver deux tractos dans le... côté rue là-bas, là, côté rue d'Izoa. On s'est vu arriver deux tractos. Et les mecs, ils venaient pour commencer les travaux, en fait. Parce qu'il y avait eu un jeu d'écriture sur un permis de construire dont l'adresse n'était pas la bonne. Et ils avaient joué sur la station-service qui était en dessous. Je ne sais pas si elle y est encore, là. Il y a une station-service juste en dessous. Et les mecs, soi-disant, ils allaient commencer les travaux, quoi. Et le président du conseil d'administration de l'asso, enfin, la directrice de l'époque, a téléphoné parce que c'était la cata, quoi. Les mecs, ils arrivaient avec le bulldozer, quoi. Et donc la spéculation immobilière a commencé à cette époque-là, je pense, là-dessus. Après, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'ai pas suivi, j'ai arrêté de travailler en 92. Mais c'était un très très beau lieu, quoi, hein, vraiment. C'est sûrement la raison pour laquelle ça a été démoli. C'est que maintenant, on peut le vendre, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Ça, là. Alors qu'avec 200 gamins... Il y avait une centaine de gamins en tout, je pense. 90 ou 100 gamins, à peu près. Ça peut se retrouver, hein. Ouais. Et on peut continuer par là. Il y avait des ateliers par là où on est rentré. Mm-hmm. C'était le coin secret là-bas. Si on allait les délégués du personnel, les machins, on allait tous se retrouver là-bas. Je suis effaré, on ne reconnaît plus rien. C'est là où il est reparti, c'était la même chose que le coin, ou pas? Oui, c'est tout ce carré là. C'est très chanterelle, tout le carré. Il est délimité par des murs en enceinte de partout. Voilà, tu vois, nous on est arrivé, voilà, c'est un ingénieur au trouvoir. Là on est arrivé par là, ils ont gardé un accident. Hein. On garait nos voitures. Tentative de cabane, quoi. Ouais, on dirait. Testé, mais une personne à chaque fois. Une personne, ça tient. Et puis il travaille là. Mal, hein. Donc faut attendre. C'est pas mal, hein. Il va être renforcé. Ah d'accord. C'est. On soutient bien. Quoi? Ça travaille là. Ouais, ouais. Faut peut-être attendre de le renforcer. Croisé. Ah, il est beau. Je sais pas si ça va être. Ça va être. Ouais, c'est vrai que le noir, ouais. Et tout ça, voilà, c'est ça. Durée de vie naturelle, sans ça durée de vie, alors là ça peut durer un mois et demi. Ouais, ouais. Genre passer un mois et demi après, t'as... Ouais, à Pau, ça m'est déjà arrivé de revenir un mois après, ouais. À Pau, sur une place où il y avait un petit peu de passage, mais c'était assez devant la mairie, donc il n'y a pas trop de. Voilà. Ça dépend, ouais, ça dépend vraiment des. Est-ce qu'il y a des gens qui se ramènent avec le cutter, par exemple des services municipaux qui... Non, non, non. Si on leur demande pas... Pardon ? Si on leur demande pas officiellement de le faire... Ouais. Il y en a pas, il y en a un qui... C'est un bon ? Ouais, c'est toujours... Ah bon ? Je peux ? Il est en train de resserrer. C'est costaud. Pour discuter avec les gens. Il faut mettre un panneau, ça sert à s'asseoir. Sinon, les gens ne savent pas. En plus, c'est avec du sac plastique. En tout cas, on vous le laisse, hein, vous allez pouvoir jouer avec. Ah bon ? On va trampoline. Non, non, non, ça va aussi. Ah, le petit. Ah ouais, le petit. La petite, pas le petit. Il faut qu'il dure longtemps, hein. Faut l'entretenir. Alors, ça, c'est ouais. Mais je vais le voir tout le temps quand on va passer à l'école. Je vois si on peut passe, ça fait longtemps. Ouais. C'est méchant. Du contact et de la relation interpersonnelle dans l'espace urbain. Hein. S'il n'y a plus aucun espace d'accroche, plus aucun morceau de rocher, enfin, entre guillemets, pour pouvoir s'accrocher, par définition, il n'y a plus aucun dialogue entre les gens. Là, il suffit qu'il y ait un petit bout de n'importe quoi. C'est une porte au contact. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait intervenir, parce qu'au départ, je trouvais ça vraiment triste de juste mettre le doigt sur tout ce qui t'empêche de t'asseoir et de juste parler du flux, et là on arrive à casser le flux avec ça. Ouais, je l'ai raté quand tu l'as allongé. Je l'ai. Non, parce que j'avais l'appareil Allez, Thelma, on est parti. Allez, Zou. La bonne continuation. Attends, je passe par là. Non. Allez-y. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Et une autre chose aussi, c'est qu'ils fabriquent des faux murs. Quoi. Des vrais murs, mais c'est le fun. Et donc on va s'amuser aussi à faire changer de direction des flux. Quoi. En mettant des cellophones entre des poteaux ou des arbres, comme ça. Tu peux réussir à court-circuiter le flux qui est créé par ce mobilier. Quoi. Mais ils lui ont mis des murs et des grilles. Rue du Fabre, devant le lycée régional Saint-Charles, en bas d'un bâtiment, un bloc de ciment parsemé de galets où sont inscrits des prénoms au typex et au marqueur. Au-dessus du coffre d'un ventilateur est posée une longue plaque de petites pipes pointues. C'est carrément très agressif. Ouais, c'est pas gentil. Hein. Petit côté Moyen-Âge comme ça. Hein. Ça, c'est le seul banc qu'ils ont, les lycéens. Alors, qu'ils se sont appropriés. Ouais, ouais, ouais, y a des petits dessins. C'est impressionnant quand tu regardes, comme ça. T'as les pointes, ensuite t'as le truc stationnement gênant avec les trucs électriques, ensuite t'as la caméra qui fait... Ça fait hyper l'impression d'être dans un, dans une tôle. C'est quand tu regardes comme ça, en... tu regardes le nombre de systèmes de sécurité et de défense de là... Ah ouais, t'as l'impression d'être dans une prison. T'as l'impression de sortir d'une prison. Là. Rue Bénédicte. À la moitié de la rue, un chantier ouvre une grande percée. Sur un des côtés, de vieux hangars. Sur l'autre, un immeuble neuf à la peinture blanche éclatante côtoie la tranche d'un bâtiment plus vieux qui laisse voir les traces d'un immeuble mitoyen détruit. Au milieu, des tas de terre, une grue bleue, du matériel de chantier jaune. Un panneau dit « Dernières opportunités du 2 aux 4 pièces ». Là, ce qui est intéressant sur la construction de ces deux immeubles là, c'est que c'est un peu le patrimoine architectural au niveau des locaux industriels de Marseille, là où il y avait vraiment des dizaines de milliers de mètres carrés d'usines qui étaient vraiment belles. Et donc ils les tombent au fur et à mesure pour construire ce genre de trucs. Donc là, c'est Kaufmann et Broad qui a construit la première barre. Et ce qui est assez amusant, et pas trop pour ceux qui vont habiter là, mais ils ont à peine terminé de construire ça. Les gens sont pas encore arrivés, quoi. Enfin, c'est pas plein en tout cas. Et ils vont leur construire une barre juste devant, là, ah ouais. Qui va occulter tout le bâtiment, quoi. Donc en fait, le bâtiment là va être aveugle. Dans 2 mois, il est aveugle, quoi. Et les gens sont pas encore installés, enfin, pas tout à fait. Donc là, les gens qui n'avaient pas regardé trop les plans d'urbanisme du quartier, ils n'auront pas un brin de lumière et ils auront le cul d'un immeuble à 20 mètres. Quoi. Et de ces côtés, c'est le jardin ? Ça va être ? Pardon ? De ces côtés ici, qu'est-ce qu'il va y avoir ici ? Ça fait un U, le bâtiment qu'ils vont construire. Et maintenant, la mairie de Marseille leur oblige de faire une partie de jardin. Quoi. C'est un pourcentage sur la surface construite. Donc au milieu, il y aura 3 arbres et... Donc là, tout le patrimoine industriel du quartier, on ne va pas rentrer dans la belle de mai, mais tout ce qui est bâtiment indus, c'est détruit pour fabriquer des résidences comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des fausses terrasses aussi. Ça veut dire qu'au niveau design, quand c'était juste l'image, tu vois les bandes là, qui font toute l'horizontalité. Oui, t'as l'impression que c'est les terrasses. T'as l'impression que c'est les terrasses, mais c'est bidon en fait, c'est juste pour le style, quoi. Et maintenant, Kaufmann et Broad, ils font aussi des immeubles avec des fausses terrasses. C'est-à-dire que tu as juste le truc en métal, mais c'est collé contre l'immeuble. Donc quand tu passes en bagnole assez vite, tu as l'impression qu'il y a des terrasses sur l'immeuble. En fait, il n'y en a pas, quoi. C'est juste du collage. Boulevard de Montrichet. Le drapeau de Bouygues flotte sur un préfabriqué en bois et en plastique. Pour entrer dans l'espace de vente, il faut passer dans le grand B du logo du constructeur. Alors ce qui est intéressant sur cette baraque, c'est qu'il y a eu plusieurs endroits à la Belle de Mai où ils ont donc, monté des gros projets de résidence et ils ont fait la tentative de mettre les points de vente sur le terrain où ils vont faire la construction. Et ils sont systématiquement brûlés ou vandalisés et ils les déplacent. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui ils s'adressent en vendant leurs trucs. Quoi. Parce qu'ils vont toujours mettre ces boutiques le plus proche possible de l'hypercentre. Donc finalement, les gens qui habitent autour du terrain où ça va être construit, ils n'ont même pas la possibilité vraiment d'acheter un terrain ou un appartement. Ça ne s'adresse pas à eux en tout cas. Ça s'adresse à des gens du centre-ville qui vont aller se mettre dans un quartier populaire. Mais ça ne marche pas dans les deux sens. Quoi. Et donc celle-là, par exemple, a été brûlée, elle était sur le terrain où on vient de passer, là. Et au bout d'un mois, ils l'ont dégagée, ils l'ont mise là. Quoi. Voilà, pour la petite histoire. Pardon ? Un espace de vente sert à commercialiser plusieurs opérations. Celui-là, il sert à commercialiser le cœur Longchamp, je pense, simplement. Ouais. C'est l'immeuble qui est en train de se construire là. On a vu là-bas ? Non, qui n'est pas encore construit. Celui d'à côté alors. C'est le U là, ouais, qu'ils vont construire. Ils vendent l'image de Longchamp. Et en fait, l'immeuble il est à 500 mètres. Ils disent le cœur Longchamp, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout le parc Longchamp. Par contre, sur le parc Longchamp même, ils vont construire une résidence et un parking. Dans le parc Longchamp ? Ouais, il y a une partie du parc Longchamp qui va trier de la carte. Là, ils pourront appeler ça le cœur Longchamp. Une publicité dit au cœur de la ville, en toute quiétude, et quelqu'un a complété juste en dessous, on vous entoure. Des arbres qui vont être abattus ou qui l'ont été ? C'est ça, des arbres plusieurs fois sans terre. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour le parking. C'est ça. Et les résidences sont juste derrière. Oui. Partie de l'ancien zoo. Et donc on est sur le gazon du tram. Place Henri Dunant, sur un vaste demi-cercle. Je sais pas, vous avez vu peut-être qu'il y avait du gazon en fait avant ici. Ouais. Et ils avaient fait ça sur tout le tracé du tram quasiment jusqu'à la Joliette. Quoi. Au bout d'un mois, ça avait brûlé. C'était pas tout à fait acclimaté pour Marseille. Après, c'est les gamins qui faisaient du vélo cross là-dedans. Les seuls usagers qui se marraient un peu avec, c'était quand il pleuvait, les enfants avec leur vélo. Quoi. Et donc là, ils viennent de mettre ça là, à la place de la terre. Donc en fait, ça a tenu un mois le gazon et après, pendant un an, c'est resté en friche pour finir par ce béton. Comment tu disais, désactivé ? Ouais, donc en fait c'est du béton et on enlève la première couche pour faire apparaître les cailloux. Ah, pour faire apparaître les pierres, là. C'est ça. T'es sûr que les pierres sont pas mises sur le béton qui est en train de... Je sais pas. C'est plutôt comme ça. Souvent, c'est... le béton, là, cet aspect-là, c'est qu'on a... ça peut être... Il y a différentes granulométries, mais moi, c'est des gens qui font l'architecture qui m'ont expliqué ça. Là, les seuls gens qui venaient là-dessus, c'était des chiens, en fait. Enfin, genre, c'est des promeneurs avec leurs chiens pour faire chier les chiens. Et donc ils ont. Ça c'est une solution anti soi-disant anti-merde de chien. Pourquoi Je sais pas. Ça va être désagréable pour les. Ils sont dit que ça allait résoudre le problème des chiens quoi. Ouais. Mais ce qu'on voit surtout c'est que ça fait un vrai non-lieu quoi. Ça prend une place monstre et personne ne marche dessus quoi. C'est vraiment... Personne peut marcher dessus non plus parce qu'il y a des traverses, donc on peut pas le traverser. Ouais, qui te... ouais, voilà. Ouais. En vélo, en tout. Tu te demandes si c'est pas dangereux aussi avec le tram ou pas protégé. Voilà. Rue Consola. Dans le sas d'entrée d'un immeuble, il y a un bloc rectangulaire de ciment. Des galets y sont encastrés, auxquels ont été ajoutés des cailloux difformes plantés à la verticale. Par-dessus cet ensemble a été fixé en biais une sorte d'épais atelier blanc. Là, c'est une compilation un peu de plusieurs modèles. C'est assez chouette. Et on a discuté avec un habitant de cet immeuble qui nous expliquait qu'ils ont fait plusieurs tentatives, à chaque fois ça ratait, parce que les jeunes fumaient leur clope, là. Et donc ils ont fini par mettre ça, et là ça marche, quoi. En face, au-dessus de l'interphone, une plaque dit. Ah non. Cet immeuble est placé sous surveillance vidéo. C'est plutôt un modèle qu'il y a sur les banques, normalement. Ils ont dû trouver un filon. Il est joli, hein, celui-là, non ? Ce que j'ai vu au départ, c'était une... C'était un bac à fleurs. Bac à fleurs, ouais. Il y a des fleurs, il y a des pierres qui ont... C'est très ils sont discrets. Très discrets, ouais. Mais peut-être dans les annonces, dans les moniteurs ou d'autres revues qui s'adressent aux collectivités. Parce que justement, David, il me parle de l'antenne déguisée en faux rocher, faux cheminée, sapin. J'imagine en fait les catalogues en fait pour la vente, ça. Tu as vu le dernier, tu l'as pas reçu, Cours Joseph Thierry. Quelques stands forains sont installés sur le trottoir. Les seuls endroits où on peut s'asseoir, c'est les terrasses de café, quoi. Donc voilà. Donc on va se fabriquer des endroits pour prendre l'apéro un peu comme ça. Ouais, donc on va prendre ce modèle un peu. Bon, c'est un peu les mêmes triangulations qu'on a vues là-bas, donc on a déjà fait tout à l'heure. Un peu plus loin, derrière l'arrêt du tramway. Et à côté des chaises de la terrasse d'une pizzeria, des grilles d'aération au sol sont entourées de piquets. Donc après on peut composer transparent, noir, donc un noir, un transparent, un noir, comme vous voulez. Dépend. Ah ouais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vent. Ah ouais, ils ont l'air d'être solides, ces mains. Ben on verra. Ouais. Vous allez voir ce que ça va donner après. Ça prend du temps. Mais vous savez que la terrasse, ça prend. Pardon ? Vous savez que cette terrasse, ça coûte un sous-sol ? Monsieur paye. Mais monsieur paye l'utilisation de. Vous croyez qu'il paye pour l'utilisation d'ici ? Ah oui, tout ça. Oui. Quand il y a du monde, il y a des tarifs combien ? On met au-dessus de l'aération. Ouais. Quand il y a du monde, là. Mais c'est vrai, c'est... Ah, oui. Non, bah, vous me dites, c'est des bancs, quand même. Vous allez voir. Regardez. Bah, c'est un décor que vous faites. C'est on fait des constructions sur lesquelles on peut s'asseoir. Ah oui, carrément. Parce que ce qu'on aimerait... un message, c'est dire, bah voilà, moi je suis dans la rue à Marseille, où est-ce que je peux m'asseoir ? Il n'y a pas beaucoup de bancs publics. Ah, et c'est organisé par qui ? Mais par des gens, c'est assez spontané, c'est une association. Ah, des citoyens, quoi. Voilà, des citoyens, ouais. Ok. Et puis, moi je le prends comme ça. C'est dire, c'est vrai, il y a des chaises, mais pour s'asseoir là, faut payer. Faut payer, oui, mais il n'y a pas de bancs publics. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de bancs où on peut s'asseoir gratuitement, enfin, sans payer. Et là, bah voilà, vous allez pouvoir vous asseoir gratuitement. Et vous pouvez dire, parce qu'avant il y avait des bancs. Est-ce que vous pouvez... Ben oui, avant qu'ils fassent les travaux ici, il y avait des bancs. Vous savez pourquoi ils les ont supprimés ? Ben je sais pas trop, non. Ben, parce... ben oui, je le sais. Tout simplement parce que M. Minucci, qui est maire du 1er et du 7e, ouais, refuse qu'il y ait des SDF, voilà, justement, voilà, à la rue, qui puissent avoir un minimum de confort pour dormir le soir en utilisant leur petite bouteille, parce qu'ils n'en peuvent, mais... Voilà, tout simplement. Et du coup, ils vont squatter devant sa mairie. Voilà, ben non, mais ils squattent les entrées d'immeubles, ils squattent, ouais, les trucs, ou... ouais, ce qui fait que c'est les riverains qui... Voilà. Ouais. C'est un grand ça a été déjà fait, ça ? Ah bon, on vient d'en faire deux autres là-haut. Et il y avait des enfants qui adoraient. Tu me tiras pour palette, oui. Alors c'est vrai qu'il faut mieux être poids plume que poids lourd. Ouais, je vois. Mais ouais, mais ça fait un Mac là, quoi. Carrément. Et après ? Là, on a un endroit, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien, et on ne peut pas s'asseoir, quoi. C'est débile. Eux, ils ont la terrasse. C'est un budget pour s'asseoir, c'est devenu cher de s'asseoir maintenant dans la vie. Oh, mais ça, c'est vraiment... C'est vrai qu'il n'y a plus d'endroit public pour s'asseoir, ouais, ça devient cher. C'est cher, oui, de s'asseoir. Poser ses fesses, ça devient du luxe, quoi. Et c'est grave. Et sinon, on reste debout. C'est grave. Sinon, ça soit par terre. Voilà, ou alors sinon, c'est là, voilà, pour marcher toujours, trouver un but, quelque chose à faire. Ouais. On n'a pas le droit de s'arrêter, en fait, dans cette vie, quoi. Que, voilà, la solution, c'est comment c'est les faits, hein, avec du cellophane. Parce que je sais même pas si on a le droit de sortir de chez soi avec sa chaise et puis s'installer sur les lieux publics. Ouais, ça c'est... Je m'étais demandé et je crois que c'est pas... Dans mon pays, par exemple, en Italie, on le fait souvent. Hein. Il y a tout le temps les gens dans la roue avec les petites chaises. Ouais, sur les pas des portes et tout, quoi. Ouais, après, c'est une histoire des cultures. Hein. Mais je suis pas sûre qu'ici, ça soit forcément permis, je sais pas. Alors après, je sais que aussi des fois ils arrêtent de mettre des bancs. C'est pour pas que les clochards, les gens de la rue puissent s'allonger dessus. Ah. Et ça, c'est carrément terrifiant, je trouve. Ouais, ouais. À Paris, par exemple, ils font plus de bancs. Ouais. Ils font des tubes. Comme ça, les mecs, ils peuvent plus s'allonger. Et justement, avec Cédric et Tristan, on faisait ça exprès. L'action d'aujourd'hui, c'était pour essayer d'utiliser autrement, de s'asseoir quand même. Ouais. On n'est pas qui nous impose justement leur prohibition et que nous, on s'assoit quand même. Hein, les freins, en fait. C'est génial. La même chose, il y avait des gens qui avaient fait des bancs en carton. On avait parlé. C'était génial. Tout le monde s'asseyait en train des bancs dans notre ville. Voilà, je dis bravo. Quand même. Je sais pas qui, mais bravo. Les trucs les plus simples, ça n'existe plus. Voilà. Ah, sur les bancs en carton, là, vous parlez ? Les bancs, non, c'est qui, les toi, bancs Laurent la ville, ils ont supprimé les bancs. Les bancs en carton qu'il y avait à Belzin, c'est là. Qu'est-ce qui avait fait ça, non ? Je ne connais pas, mais il y a un vieux monsieur qui régulièrement fait des installations là. Mais c'est son imaginaire, à Belzin. Ouais, c'est son imaginaire. Il construit des maisons imaginaires. Ah ouais, d'accord. Il y a les mots d'emploi, c'est lui. Il y a Francesca, là. Mais c'est pour, parce qu'il n'y a pas de place à Marseille pour ce soir. Et c'est intelligent, oui. Allez, venez. Faites-moi plaisir, venez. J'ai pris mon bouquet de fleurs, arrêtez vos conneries. Mais faites-le. Venez voir comme c'est formidable. Et puis ce qu'il faut, c'est qu'on les fait. Ah ben, combien de temps? Allez, ok. À tout de suite. Amitié. Allez les gars, au boulot, hein. D'accord. Attends, on va dire, on attend un peu. Plus de siège. Il y a des axes qui t'emmènent là où on va en fait, ça t'emmène rue Saint-Ferréol. Voilà. Tout est dirigé vers la commercialisation. Il y a un truc intéressant, c'est comment les gens se déplacent, plus on va se rapprocher du centre, plus les gens marchent rapidement aussi. Ouais. Parce que ça s'épure de plus en plus tout le paysagisme. Bonjour, mais au moins il y a beaucoup plus de chaises. Rue Curiole. Des prostituées plutôt âgées discutent sur le pas des portes. Certaines ont installé des chaises sur le trottoir. Rue Sénac, un gros râtelier noir a été fixé au bas de chaque battant d'une lourde porte en bois. Sa base recouvre le seuil de l'immeuble. Non, je sais pas, mais je me demande même si c'était pas la demande des gens qui habitent là, à mettre un truc comme ça pour ne pas faire asseoir. Donc on a fait un tout petit détour, là, un petit crochet. C'est pour vous présenter le travail de Juice. C'est la prochaine personne qui va conduire. Au fronton d'un cinéma désaffecté, des dessins parodies, des affiches hollywoodiennes. C'est les fausses affiches de cinéma qu'il a... c'est qui comme ça ? Qu'il a remis là où il y avait des affiches à l'époque. Et ça tient depuis des années, ce truc-là, je sais pas, c'est vraiment... Il y a pas mal, cours Saint-Louis. Une esplanade sans autre mobilier que des lampadaires et des panneaux publicitaires. On fait des bancs pour s'asseoir et ici aussi on peut s'asseoir. C'est la réappropriation de l'espace public pendant En Marche. En fait, l'espace est créé pour circuler et plus pour s'arrêter. Et donc du coup, c'est des créations de bancs et d'espace pour s'arrêter. C'est une très bonne idée, mais c'est du plastique, c'est ça qui me dérange un peu. Voilà, c'est le seul truc, parce que le plastique, ça pollue énormément cette planète. Ça va pas être assez tendu, peut-être. Ouais. Ouais. Mais après, on peut, arriver ici, on peut refaire ici et faire une tension. Ah ouais, pas. On va faire comme ça. Ah d'accord. On a fait une marche urbaine en fait sur le mobilier urbain qui vise à empêcher les gens s'asseoir. Non mais c'est bien que certaines gens voilà, manifestent leur mécontentement, voilà, parce qu'on a envie d'aller où on veut, s'asseoir où on veut, alors qu'on ne peut plus le faire. Mais c'est bien. C'était le portrait d'une ville à travers une marche urbaine organisée par Osservatorio Nomade Marseille, dont vous pouvez consulter le site internet sur www.osservatorionomade-marseille.com. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site des deux artistes qui ont conduit cette marche, Tristan Favre, www.tristanfavre.com, et Cédric Bernadotte, www.cédricbernadotte.com. Cette émission sera rediffusée mercredi prochain à 10h sur FPP, et elle restera en ligne sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnu et recommandé.